L'amour, quand il nous transperce, plus rien ne se disperse. Tous ces traverses sans controverse et nous laisse à la renverse. Dimitri Ballon d'Or. La Kayote, Stéphie, Yolali Nananye, Ngawa yo, Mawa Mawa, Naba insomnie. Mawa umba na shako sino yo zateli yanzi Fayette. Na katia motema ato salimo kusa polongo facilement eli ule ko sombelinga ta des hectares na kondi mananga na labu na maboko similex sans salaire pour te supplier tout badelo Willy Gabana atana présidentielle soki candidat katani Azala kanami le chance ya kozala ta sénateur Simone Pesa Kabika ki koukou na monte manoye L'essentiel na vivre en toi Pote na zwa kimia Ce n'est pas possible Yobo inonga en plein air Chris Bomoko Yo baby si cœur na nga Rosalie na Rosie La douceur Stéphio Silici Dominique DSK De la République Mon général Dodo Luyoyo Excellence Félix Momad Kitenge Excellence Trésor Chikami Bonimona Bondela Katongo Botomoy Nazuna Nuataye Anote 5 étoiles Zangena Ego Zaminition Mini Présent Naozelao C'est manifesté Salata Miracle Stéphine Nga Menela Nga Fololo Yemoukwa Prometa Kingaye Kilemi Lambo Gamen Bolingo nanga umelite lokola manufacture ya ba chinois Tonton Chuma Si okombe komo mesana koyiba bolingo na sima nanga opimbwe Kusimumi Nazala Harry Potter na vole na balie magique nanga na luka Bolingo likolo Wapi fololo rosa Afololo La kayote sanga fololo rosa Afololo La promesse est une dette Afololo Kolo komo banana tiki na motema e pourtant la kakinga Afololo Pili bolingwezo, swata la nengezo, bimi sanga Toza la kyo seki tole kanandzi, na bako bazo bete na biso Na komi seki no le kanga moko Joel Bakunga Joel Bakunga Scénario Pires Makuli President Makansa, wapi fololo rosa Golden Duty Pesanga fololo rosa La promesse est une dette Bololo Congo Bololo Tiki na motema et pourtant la kakinga Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Bololo Kaya Kaya Moussa Maître Peter Kazadi Yadani Banza Yagi Ewa Claude Miena Huguette Kabika La plus belle Hervé Mwanza, garçon des luxes Kevin Coy, super prêtre Richard Kabbala, à Saint-Lola Chico Libanda, maître Je contemplais ta beauté Je suis rempli de joie Jocelyne Kabika Yves Sokoto Soki mwana lingi ko simba moto Botika ni asimba Noko la gozi kako e batina Mama nandi ye ye César de Grimé Na lali na mai na misola Kaya Oscar Pika Faya Moto na tchaki na mote ma lelo A de se voir rai Mokonja Grimé Souffrance koti na mote ma Toka bonon du chemin Na zoye batem Mokon imi na nyokoma Nazo ye bate pour kondimina si la boye. Mabe wa yi kwa ya isone ka central du Gondombasi. Elengi ya fruit délicieux yo la fraise nanga. Maman diamant. Kaya posonga moussounyon velo penga. Na fukami na wata na mangolo mayo. Na tangisi mayo ya. Ya miso na lai. Ya ya Celestine Lopez. Na jona soye kabika. Honorable Papi Séoul, y'a Charlotte Chibanda. Boni mwana te bongwani pigeon, na kondi ma yé. Yannick Makamila. Na mwana angel ou son ma papou, na pimwaye. L'envi mamba. Na nouna linga, boye te ka hôte la seule, tu le restera. Na belle lita mama y kalamba, y'a sunga nga linda de sensi. Laura. Na mignoni yolo. Itiomi. Christelle yolo. Anado kabi kanaste. Chiba sous tarmac, Yannette Nkoy, Nisha Shakira Begel. J'ai ma maman Neke, Patrick Abika, Sylvain BH, Fayette Koza. De la Rouge, Igen Dinga. Christian Kinoa, Aurélie Fouma qui a pas tout. Papi Kappa et Tour du Monde, y'a Géraldine. Ah, Maître Eladi Chibango, et Tiki Mukusu. Beaucoup Tampongo Bandal, et Di Bolondo. Machuda, capitaine.